La chronique bien-être. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique bien-être, la chronique bien-être co-animée avec Antoine Joulin, sophrologue. Salut Antoine. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va prendre une grande inspiration, expirer tout doucement. On va parler bien-être, mais alors aujourd'hui, Antoine, ça va être une chronique un petit peu particulière qui va déroger à nos chroniques habituelles, oui. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on n'est pas que tous les deux. Et non, pour une fois, on va pouvoir accueillir un invité que je te laisse présenter. Eh bien, c'est Claire Tahan. Bonjour Claire. Bonjour. Alors après le sophrologue, on a la prof de yoga. Exactement. Tout à fait. Alors, ce qui était super intéressant, justement, c'est moi, il y a un petit moment que j'avais envie de vous réunir dans cette pièce autour de ces micros parce que on a envie de comprendre, quand on n'est pas forcément habitué à ces disciplines-là, la différence qu'on peut retrouver entre le yoga et la sophrologie, puisqu'on est sur des disciplines qui cherchent à relaxer, à gérer son stress. Enfin, je pense que ça, c'est des points communs, évidemment, sur vos deux disciplines. Moi, j'avais envie qu'on creuse un petit peu ces questions-là. Donc, ensemble, on va essayer d'expliquer en quoi ces pratiques peuvent nous aider à vivre au quotidien, que ce soit pour mieux dormir, pour lâcher prise, pour retrouver son énergie. La première question qu'on se pose, quand on voit tous les points communs, c'est justement quels sont les points communs et les différences entre vos deux disciplines. Qui commence ? Antoine avec la sophro ? C'est vaste. Alors, nos points communs, j'ai envie de dire, nous, on commence toujours nos séances par retrouver notre corporalité, c'est-à-dire la sensation avec notre corps, reconnecter notre esprit et notre corps par des exercices légèrement physiques. Et vous, comment ça se passe ? Et moi, c'est la reconnexion aussi à la respiration, souvent. Souvent, je demande de poser sa main sur son bas-ventre et d'avoir une respiration abdominale. Donc, c'est vrai que ça va être, pareil, un lien avec le corps, mais aussi également avec la respiration. Donc, d'accord. Point commun au niveau de l'aspect respiration. Respiration, oui. Mmh. Et puis, recontact avec la corporalité, parce que je crois que c'est assez physique, le yoga. Tout à fait, oui. Alors, bien sûr qu'il y a un lien avec la corporalité. Forcément, quand on pose sa main sur son ventre, c'est qu'on prend conscience de ce qu'on ressent, en fait. Souvent, moi, je commence par un om traditionnel et puis avec une posture assise de yoga. Donc, bien sûr, on prend conscience du corps. Moi, j'accentue sur la respiration et l'intention quand je commence la séance. Et ensuite, plus sur le corps pendant la séance de yin yoga et de mobilité également. Je trouve que l'introduction du mouvement dans le yoga est importante. Et la petite parenthèse pour nos auditeurs, c'est le yin yoga, en fait. C'est juste avant de pouvoir continuer les questions-réponses, c'est quoi finalement ? Le yin yoga, du coup, on va être beaucoup plus longtemps dans les postures. C'est vrai que ça peut s'adapter à pas mal de pathologies ou pas mal de personnes. Parce qu'en fait, on va vraiment être dans une posture adaptée avec des coussins, avec des... Voilà, il y a un certain confort, en tout cas, dans la posture qu'on va adopter et qui va durer, parfois 4 à 5 minutes. Moi, c'est plutôt 5 à 6 minutes dans mes cours, voilà. Et on peut aller même jusqu'à 20 minutes dans une posture de yin yoga, ce qui ne va pas forcément être le cas dans les autres types de yoga. On ne va pas être aussi long. Mais finalement, un petit peu sur le sport adapté yoga, c'est yin yoga. Exactement, voilà. Et puis, du coup, moi, j'ai introduit aussi des mouvements de mobilité pour les articulations, pour la santé, en fait. Du coup, c'est vrai que, on est sur du mouvement doux, sur le respect de son corps. Et s'il y a un problème, c'est le prof qui s'adapte à la personne qui veut pratiquer le yoga et pas l'inverse, en fait. Mmh. Mmh. Et est-ce qu'on pourrait dire que cette forme d'asana dans le yin yoga, est-ce qu'il est plus lent que la plupart des yogas, en fait ? Oui, beaucoup plus lent. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, dans le hatha yoga, on va être une posture, ça va durer 5 respirations, alors que là, une posture va durer 5 minutes. Donc on est vraiment sur une grosse différence de durée de la posture. Du coup, on a le temps de bien scanner son corps. C'est ça. Et ce qui me fait tout de suite penser à notre deuxième point quand on commence en sophrologie notre séance, qu'elle soit individuelle ou en groupe, c'est justement le scan corporel. Nous, on commence après la prise en contact avec son corps. Elle fait partie de cette prise de contact avec son corps qui est essentielle pour l'avancer. C'est ce scan de la tête jusqu'aux pieds. Qu'il y a ça aussi au yin yoga? Moi, je l'avoue, je le fais, mais plutôt, du coup, à la fin de la séance. Oui. Ouais. Et du coup, je le fais pendant la posture du Shavasana, c'est la posture où on est vraiment allongé. Et du coup, là, c'est là que je demande aux praticiens de yoga de faire le scan corporel. Et donc, ce scan, cette lecture corporelle, elle va être plus d'une forme de phénoménologie, c'est-à-dire à l'écoute de ce qui s'est passé après. Oui. Donc oui, nous, ça, on a ça toujours après chaque exercice. Une séance de groupe d'une heure trente ou de même individuelle peut être accompagnée de 4, 5, 6 exercices des fois. Donc à chaque fin exercice, on fait une lecture, on écoute sans analyse. Donc là, je ressens qu'on est encore sur la même longueur d'onde, sans jeu de mots. Mais qu'effectivement, nous, le scan, il servirait plus à détendre et relâcher chaque partie et chaque tension musculaire de la tête jusqu'aux pieds. Cette première partie sert à ça dans l'exercice de départ de sophrologie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble en début de séance de yoga ou Mise en condition? Du coup, pas vraiment. Enfin, moi, je fais plutôt quelques postures qui vont amener à prendre conscience de son corps, mais en mouvement, justement, pas en étant immobile. Mmh. Donc, par exemple, souvent, moi, je fais un mouvement, une respiration pour la nuque, ou bien le chavache. Donc, le chavache, c'est des mouvements... Bon, c'est vrai que là, du coup, à l'antenne, c'est difficile à expliquer. Mais c'est des mouvements, en fait, où on bouge un peu sa colonne vertébrale en douceur. Et en fait, c'est son corps en mouvement et c'est là qu'on ressent en fait son corps, qu'on prend conscience. Ok, comment je me sens aujourd'hui finalement dans mon corps? Et moi, je trouve que ces exercices de mobilité douce finalement ou d'introduction finalement avant la séance de yoga va permettre une meilleure conscience de son corps. Et dans la façon d'organiser la séance de yoga, je vais quelque part aller un peu plus dans un mouvement un peu plus... je sais pas, un peu plus rapide, en tout cas sur ce mouvement lent, sur le mouvement, puis une séance de yin yoga sur de la posture longue durée. Mais il va d'abord y avoir le mouvement, parfois ça va être de la mobilité au niveau des poignets, au niveau du cou, au niveau de la nuque, ce qui va permettre en fait de prendre conscience de son corps. Et on voit encore qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes qui sont en fin de compte mises en place de différentes façons. Donc on voit bien que Caicedo, le fondateur de la sophrologie, s'est largement inspiré, hein, comme il le dit, de divers yogas justement. Et là on retrouve, et c'est ce qu'on disait tout au début, la respiration, hein, des fondamentales de yin yoga, mais aussi de la sophrologie, et qu'on retrouve presque dans toutes les thérapies alternatives. Comment vous, ça se présente? Parce que nous, par exemple, en sophrologie, il y a différents exercices. Le soufflet thoracique, la respiration rapide, la respiration lente, la respiration mixée, la rétention d'air, etc. Tout simplement, tout ça apporte des ouvertures et des choses dans le corps, des équilibres. Mais c'est d'abord fait pour réapprendre à respirer, finalement. Bah, nous aussi, on a différents types de respiration. En yin yoga, on peut vraiment introduire la respiration abdominale, alors que je trouve que dans les autres yogas, on est plus sur une respiration complète, c'est-à-dire autant abdominale que thoracique. Mmh. Et dans le hatha yoga, je trouve qu'on a aussi vachement plus la respiration thoracique. Donc en fait, ça dépend quel yoga. C'est vrai que moi, du coup, en yin yoga, j'ai la respiration abdominale, la respiration complète, qui est donc du coup à la fois abdominale et thoracique, et qui va même presque jusqu'aux épaules en fait. Mmh. Et puis également les exercices de respiration en fait alternés. On va alterner les narines, ça s'appelle Nadi Shodhana. Là, on va avoir aussi un impact ou une respiration. En fait, il y a différents pranayamas, donc différents exercices de respiration que moi je fais souvent en fait en début de séance pour calmer le mental. Ok. Effectivement, on trouve énormément de similitudes. On commence à chercher des différences, en fait. C'est ça qui est plus compliqué. Parce que là, au niveau posture, alors nous, nos postures sont modérées, comme on dit, ce qui en fait quelque chose de très, très accessible. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se cambrer à fond, se baisser à fond. On va surtout dans des mouvements de bras et de jambes type Qigong, comme des postures de l'arbre qui me vient à l'esprit pour ceux qui connaissent. Voilà, on reste dans des petites postures et c'est vraiment, comme ça je le savais au yoga, le sommet de l'iceberg, comme on a déjà parlé. Les postures sont vraiment une petite partie de la discipline. Oui. Pareil pour le yin yoga. Oui, tout à fait. Après, le yin est arrivé dans les années 1970, donc enfin les prémices entre les années 1970 et 1990. Donc c'est assez récent. Donc, bah, forcément, on se base sur l'histoire de la discipline du yoga, mais aussi de la discipline, bah, justement, du Qigong, de la médecine chinoise. Du coup, j'ai oublié la question. Mais en tout cas, tu l'as oublié, mais tu y as répondu très bien. C'était savoir si les asanas, les postures... Les asanas, c'est donc les postures qu'on fait avec notre corps au yoga, que nous, on appelle tout simplement posture en sophrologie ou relaxation dynamique. En fait, ouais. Ce qui est... Ah oui, d'accord, c'est ouais, ça. Okay. C'est ça, c'est le côté physique okay. de la sophrologie. Et nous, c'est, voilà, on va dire, 20% de la sophrologie. Donc, okay. À savoir si c'était pareil, j'ai bien répondu. Je crois qu'il y a un aspect qui vous divise un petit peu aussi, c'est l'aspect visualisation. Oui, exactement. La visualisation en sophrologie, là, par contre, elle a vraiment toute sa place. Je l'utilise beaucoup. On entend parler de la visualisation aussi en hypnothérapie, en hypnose. Mais nous, ça va être de l'auto... Même si elle est guidée, c'est nous-mêmes qui créons la visualisation. C'est notre esprit, c'est notre imagination. Et on s'est aperçu que la force de notre imagination, de notre esprit, voilà, fait des merveilles. Et nous conditionne et rééquilibre et remanie un peu notre disque rayé qu'on a dans l'esprit en permanence. Et ça a vraiment une part importante en sophrologie. Et j'imagine que yoga, c'est vraiment très faible les visualisations, je crois. Tout à fait. Alors après, on peut l'utiliser, mais ça va plutôt être soit en tout début de séance ou en toute fin de séance. Enfin, on n'imagine pas vraiment lier ça à une posture de yoga qu'on va réaliser, en fait. Ça va être soit en méditation... soit en posture de Shavasana. Posture de l'arbre, vous êtes dans un champ, il fait beau, les oiseaux chantent. On peut visualiser quelque chose de sympa, finalement. Voilà, après, ça dépend du coup des personnes qu'on a aussi en face de nous et des attentes. Moi, j'ai certains praticiens de yoga qui n'étaient pas trop réceptifs à la visualisation. Mmh. Donc, j'ai introduit d'autres éléments, en fait. Donc là, c'est aussi en fonction de qui on a en face de nous. Après, moi particulièrement, j'aime bien la visualisation, donc je la pratique pour moi-même. Moi, je trouve que c'est un outil intéressant, juste qu'il n'est pas toujours présent dans le cours de yoga. Donc ça va dépendre du prof et ça va dépendre des praticiens de yoga qui viennent pour le cours de yoga. Dans le yoga, il y a une partie qui est quand même très physique, une partie où on acquiert une souplesse, ce qui n'est pas le cas en sophro. Non, en sophrologie, si, mais c'est une souplesse d'esprit. Seulement. Joli. Pas du tout physique. Effectivement. Belle parade. Voilà. On va pas. Et je touche. Et on ne va pas du tout. Effectivement, on va pas jouer sur certaines fibres musculaires ou tissus organiques. Nous, elle ne sert que à part la respiration. Je mets vraiment la respiration hors physique et esprit. On va mettre ça à part. J'aime bien mettre dans cette case la respiration à part. Donc, hormis ça, tout ce qui est fait avec le corps en sophrologie n'est fait que pour un contact du corps et esprit. Mmh. Et une harmonie. Alors qu'au yoga, c'est une discipline à part entière, je crois. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça dépend encore quel yoga aussi on réalise. C'est vrai qu'en yin yoga, on va travailler en douceur, donc certes, la souplesse va un petit peu travailler, mais comme on reste longtemps dans une posture, en fait, on a besoin de pouvoir être à l'aise dans la posture, donc on va travailler en douceur. Par exemple, dans le hatha yoga, là, on va pouvoir gagner en souplesse beaucoup plus rapidement, si c'est l'objectif. Après, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été mon objectif premier. J'ai commencé à faire du yoga pour me sentir bien. Donc finalement, d'accord, on travaille sur la souplesse. Là, en yin yoga, on travaille également sur les fascias, hein, donc sur les tissus conjonctifs. Donc c'est vrai que ça doit être la différence avec la sophrologie. C'est qu'en fait, en yin yoga, comme on reste longtemps dans la posture, du coup, ça va permettre une détente corporelle en profondeur. Et donc le yin yoga, contrairement aux autres yogas, vont vraiment insister sur cette détente du corps en profondeur. Cependant, le yoga, c'est pas seulement une activité physique. Et il y a aussi la symbolique spirituelle. Et puis, pour moi, l'activité énergétique, en fait. On travaille en yin yoga par une posture. On travaille sur les méridiens. C'est important de souligner, pour étayer ce que tu viens de dire, que cette souplesse, par exemple, du psoas, ce genre de tissu organique, est très important dans l'équilibre justement de la première émission qu'on avait fait sur les hormones et l'équilibre du corps dans son entièreté. Ça aide à tout ça, effectivement, voilà. C'est pour ça aussi que ça a été fait, et je crois pour une préparation à la méditation aussi, je crois, les asanas. Oui. Donc on est sur deux disciplines, la sophrologie, le yoga, yin yoga en l'occurrence, qui sont complémentaires. Ah oui, complètement, complètement. On peut aussi souligner, justement, je venais de dire le mot avant qu'on reprenne, c'est-à-dire la méditation, qui s'appelle méditation yoga. Et nous, on appelle ça tout simplement attention ou pleine conscience. On l'appelle aussi méditation, pleine conscience, etc. Ça, c'est vraiment une discipline qui sont communes à 200%. C'est vraiment la pleine conscience. Voilà, la pleine conscience, elle est faite que d'une seule façon, en pleine conscience. Donc, voilà. Laquelle de vos deux disciplines est la plus répandue? Bah, je pense que c'est le yoga. En sans aucun le yoga. Doute. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est mondial. Ouais. Puis on en trouve partout. Puis on trouve plein de types de yoga. Justement, moi, je parle du Yin, mais il y a aussi le Hatha yoga. Enfin, il y a plein de types de yoga différents. Et même, en fait, en Inde, au niveau des origines, il y avait déjà plein de d'orientation. En fait, même à l'origine, on parle de, il me semble, 108 directions possibles parce que parce qu'on a 108 points énergétiques dans le corps. En yoga, donc voilà, on part d'une multiplicité d'interprétations, même en Inde, même à son origine. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous demandais hors antenne à qui on conseillerait plus d'aller vers le yoga ou plus vers la sophrologie. Et ça là-dessus, Antoine, son regard de sophrologue me dit, ceux qui sont très terre à terre, ils vont aller vers le yoga. Oui, oui, je confirme qu'il y a ceux qui connaissent le yoga que par les postures vont aller que vers le yoga, en fait. Mais par contre, c'est paradoxal, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le yoga est pas une discipline physique ou gymnastique, c'est un art de vivre. Et ceux qui savent que c'est un art de vivre, là, ils vont prendre l'entièreté du yoga, c'est-à-dire avec la méditation, le comportement, etc. Voilà, faut bien savoir ça aussi, c'est important dans sa pratique de yoga, ce que ça apporte un plus. Qu'effectivement, sophrologie, on va être plus sur un aspect scientifique et psychologique de la discipline, voilà. La pratique de ces deux disciplines, qui sont, rappelons-le, le yoga et la sophrologie, une pratique quotidienne, ça peut changer la vie? Bah oui. Sans aucun doute, encore voilà, une fois. Oui. Tout à fait. On le dit tout le temps. De voilà, prendre le temps, de trouver un moment, même 5 minutes par jour. Même dans les toilettes. Voilà, si on n'a pas en termes de visualisation, on est bon, là. Voilà, exactement. Pour ma part, cette phrase-là, cet ensemble de mots est bateau, mais l'hygiène de vie a tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer ça comme une hygiène de vie, comme on le dit souvent, comme je disais tout à l'heure, voilà. Le brossage de dents, mais aussi se nourrir. On parle beaucoup de se nourrir spirituellement, etc. Mais vous savez que je ne parle jamais de spiritualité, mais pour le coup, c'est vraiment se nourrir de bien-être. Et pour ça, il faut travailler un petit peu. Effectivement, déjà, commencer 5 minutes par jour, c'est super. C'est déjà faire de l'autodiscipline comme ça, c'est très, très, très bon pour nous tous. Et si on y arrive au même moment dans la journée, ça permet en fait au cerveau de s'habituer en fait et d'intégrer plus rapidement en fait. Voilà. Même si c'est 5 minutes à 17h, 5 minutes à 22h, 5 minutes à 7h du matin, enfin, ça dépend de votre rythme. Mais si vous le faites à peu près à la même heure, bah, du coup, votre corps, il va s'habituer. Et du coup, ça va être plus facile à garder ensuite comme habitude. Alors là, j'ai une question qui va être plus adressée à Claire, peut-être pour faire un petit peu tomber des idées préconçues. On voit sur les réseaux sociaux des tonnes de pubs nous disant que le yoga sur chaise, c'est merveilleux, qu'en pratiquant le yoga sur chaise pendant un mois, on va perdre 5 à 10 kilos, c'est fabuleux, on nous vend ça sur toutes les plateformes. Est-ce que c'est vrai ? J'avais même pas vu qu'il y avait des pubs sur le yoga sur chaise. Mais après, il y a du yoga aussi avec les chèvres. Enfin, avec quoi ? Avec des chèvres. Oui, oui. C'est des petites chèvres. Des petites chèvres qui montent sur le dos. Enfin, j'ai vu ça aussi. Enfin, donc du coup, on peut toujours promettre tout et n'importe quoi. Le yoga avec les chats, les animaux. Le yoga vin aussi, viticole. Ah, le yoga viticole. Bon, ça, par contre, ça c'est pas trop en accord pour moi avec les principes du yoga, mais bon, voilà. Alors, moi, je parlais du yoga sur chaise, hein, pas sur chèvre. Voilà, c'est ça. Du coup, je pense pas qu'on perde des kilos en faisant du yoga sur chaise. Le yoga sur chaise, bon, bah, c'est parce que on l'adapte, en fait. Enfin, pour moi, c'est une adaptation du yoga traditionnel pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Ou alors, on est aussi pour le côté pratique, on est au bureau et on veut apprendre quelques ouais. exercices de yoga sur chaise qu'on peut faire au bureau. Donc moi, il y a le côté pratique. Par contre, les 5 à 10 kilos, là, bah, faudra m'expliquer, mais je vois pas trop le rapport. Ouais. Non, mais je pense qu'on avait... J'avais bien une idée de la réponse en posant la question, mais c'est toujours bien de rappeler qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Hein. Surtout maintenant. Et, disons qu'une alimentation juste équilibrée, ça peut faire perdre 5-10 kilos. C'est déjà pas mal. Hein. Est-ce qu'on peut accéder au bien-être au quotidien en pratiquant ? Parce qu'on cherche tous la même chose, à se sentir bien, à se sentir épanoui. Claire disait tout à l'heure, si je me suis lancée dans tout ça il y a des années en arrière, c'est parce que j'avais envie de briller. Non, c'était quoi la formule ? J'avais ce côté, cette quête spirituelle de l'illumination. De l'illumination. Ouais. Est-ce qu'on y arrive à un moment donné ? Du coup, je pense qu'on arrive justement à un mieux-être, mais l'illumination, pour moi, est une... chimère, enfin, je trouve pas que ça doit être en fait finalement, après réflexion, l'objectif. Je pense que plutôt être dans un mieux-être au quotidien, bien vivre, déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, je trouve que c'est ça. Et puis du coup, l'illumination, nous, comme tu disais, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Bon, bah voilà, et après, il y a des personnes qui prennent ça en main et qui font un peu n'importe quoi aussi avec. Donc finalement, juste rechercher. Du coup, quand on va vers un praticien, on va vers quelqu'un qui fait de la sophrologie ou du yoga, l'important, c'est de se demander, après la séance, est-ce que je me sens bien ? Oui. Qu'est-ce que ça a apporté ? Quelle plus-value je vais avoir à cette pratique-là ? Et d'ailleurs, Antoine, toi, tu le disais aussi, quand tu pratiques pas tes petits exercices de respiration que tu as pris l'habitude de faire chaque jour, il y a quelque chose qui va te manquer. Tout à fait. On ressent un déséquilibre, une nervosité... des perturbations dans le corps et l'esprit, effectivement. C'est important de prendre soin de soi régulièrement. Peut-être pour clôturer cette chronique bien-être, on a bien développé sur le yoga et la sophrologie. Est-ce que vous auriez une question à vous poser l'un à l'autre ? Après. Alors, Claire, elle l'a. Claire, elle l'a, sa question. Alors, okay. Je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que tu voudrais encore explorer dans ta pratique de sophrologie ou dans la théorie au niveau de la sophrologie ? Voilà, l'angle que tu aimerais bien encore ou que tu continues encore à explorer ? Alors, Caicedo avait laissé la sophrologie à un point atomique, en fait. On était dans la recherche de la sensation que pouvait avoir jusqu'à l'atome qu'il y a en nous, en fait. C'est quelque chose que j'aimerais bien explorer, mais d'un point de vue vraiment scientifique. Est-ce qu'on peut ressentir ? Est-ce qu'on peut faire de la phénoménologie ? Est-ce qu'on peut être à l'écoute et à l'analyse de son corps, mais jusqu'à l'atome, jusqu'au moindre atome de son corps qui bouge en soi ? Est-ce qu'on peut ressentir ça en pleine conscience ? Donc, ça serait vraiment ça que j'aimerais vraiment explorer encore plus. Si un jour, j'ai toutes les réponses et les outils, bien sûr, les partager. Voilà. Bah, y a intérêt, dans la pratique. Parce que là, ça donne envie quand même. Voilà. Je pense que ça existe déjà, mais pour les grands, grands méditants. T'as une question pour Claire ? Eh bah, ben, j'ai envie de dire la même chose. Ah. Est-ce que là, avec tout ce que tu as appris, tes voyages, etc., ce que tu nous as raconté hors antenne, ça pourrait être d'ailleurs tout plein de chroniques, hein, tout ce qu'elle nous racontait. Mais on va y réfléchir. Oui. Quelle autre discipline tu pourrais explorer qui accompagnerait bien ta discipline de yin yoga actuelle ? Justement, en ce moment, je suis intéressée par tout ce qui est un peu neurosciences, neuroplasticité, comment ça se répercute en fait en yin yoga. Donc justement, apporter un peu plus d'études un peu scientifiques. Et puis, je voulais aussi explorer la théorie polyvagale. Comment on se sent dans son corps, comment on peut aussi, quelque part, résoudre des traumas aussi passés en passant par le corps. Donc ça, c'est deux pistes que je veux explorer, que je suis en train de commencer à explorer, de toucher du doigt. Eh bien, on espère que nos auditeurs auront envie de prendre autant soin de leur corps que de leur esprit après cette belle chronique. Merci à tous les deux. Antoine, on peut te retrouver pour faire des séances de sophrologie, alors à la fois sur Radioactive dans la chronique Bien-être. Tout à fait. Mais également à ton cabinet. À Nazel Négron, salle Jacques Davidson, 4 places Albert de Lépine. Ou sur Facebook à Antoine Joulin, sophrologue. Quant à toi, Claire, on peut te retrouver également. À Chouzy-sur-Scie, donc du coup, un lundi sur deux, je donne un cours de yin yoga. Et le 20 mars, je donne également un cours de découverte du yin yoga de 11h à 12h15 au Rubik's Cubo à Mont-Louis-sur-Loire. Mont-Louis-sur-Loire, voilà. Chez nos amis montlouisiens. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux et puis à très bientôt l'un et l'autre pour d'autres chroniques. Merci beaucoup. Merci. Thank you. La chronique bien-être.